أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن محمد عبده ورسوله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. السلام عليكم ورحمة الله. Donc le sujet aujourd'hui ce sera les lois humaines. Inch'Allah, rahma rahim. On avait déjà essayé de faire ça précédemment. Maintenant, alhamdulillah, rabbil alamin. Donc on est sur Ansar Ghuraba. Donc c'est un sujet qui est lourd de conséquences. Pourquoi ? Parce que comme on avait déjà dit précédemment, l'objectif, c'est pas juste de d'avoir du savoir pour avoir du savoir, parce que vous trouverez de nombreux sites dorénavant et de nombreuses assemblées qui se réunissent dans le but d'avoir des exhortations, d'écouter des sermons, d'écouter plus ou moins des cours et d'acquérir beaucoup beaucoup beaucoup de savoir. D'accord. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les speeches qu'on va faire sur Ansar al-Ghuraba, Inch'Allah ar-Rahman ar-Rahim, ils ont une autre portée, ils ont un autre objectif, ils ont aussi l'objectif de passer du savoir à l'action, d'essayer d'appliquer concrètement donc ce qu'on apprend, et aussi d'apporter autre chose, d'apporter quelque chose qui soit adapté justement à nos problématiques contemporaines. Donc, le premier sujet, ce sont les lois humaines. Pourquoi ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un sujet sur lequel vous allez trouver automatiquement une énorme divergence. Et le but, justement, de ce speech, c'est de comprendre qu'il n'y a pas de divergence sur ce sujet, islamiquement parlant. C'est-à-dire que si l'on s'en réfère justement à la méthodologie de Al-Sunna wa Jama'a, et si on s'en réfère donc au Coran, à la Sunna, et à la compréhension justement de nos salafs, à savoir les Sahaba, ainsi que les Tabi'in et les Atba' Tabi'in, il n'y a aucune divergence sur ce sujet. Il n'y a que ces dernières décennies qu'il y a des Dajjaloun, des trompeurs, qui sont venus et qui ont commencé à apporter une autre vision. D'accord ? Et qui ont commencé à déformer justement la compréhension donc du Tawhid al-Hakimiyya ou bien le Tawhid al-Rububiyya. On en parlera plus tard dans les cours sur la Aqidah, à savoir donc le fait de maintenir l'unicité d'Allah dans la gouvernance. Donc ceci étant dit, je vais faire une brève introduction donc par rapport à l'ouvrage qui a été traduit donc de Abu Hamza al-Misri, en vous précisant un ou deux points qui sont importants. De nos jours, on a été baigné dans un monde qui nous a montré la démocratie comme étant quelque chose de naturel, de bon, et qui était là pour libérer l'humanité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce soit la démocratie, que ce soit le communisme, que ce soit tous les systèmes de gouvernance qui ont pris place sur cette terre, ils ont été forcés. C'est très important de comprendre ça. C'est des systèmes qui ont été forcés. La démocratie, elle n'est pas venue comme ça, en claquant des doigts. Elle est venue avec le sang. Par le sang, pardon. Le communisme, vous pouvez lire, vous pouvez vous renseigner, vous verrez qu'il y a eu des millions de Russes qui sont morts pour imposer le communisme. D'accord ? Donc ça a été un système qui a été forcé. Donc moi je voudrais insister sur ce point-là avant même de commencer. C'est que quand on parle de l'islam, malheureusement, il y a beaucoup de trompeurs, il y a des gens qui viennent et qui vous disent « Oui, mais l'islam, il s'est propagé par... » C'est propagé par le commerce, il s'est pas propagé par l'épée, il s'est pas propagé par le sang, voyons, c'est faux tout ça. Donc voilà, il s'est propagé par la paix. Alors il faut comprendre une chose. L'expansion islamique, c'est la plus grande expansion qui a jamais eu lieu dans l'histoire de l'humanité. Donc il faut être naïf, il faut être naïf, hein. Il faut être naïf pour croire que l'islam s'est répandu et il est allé dans les quatre coins du globe sans verser une seule goutte de sang. Déjà et d'une. C'est pas dans la nature humaine. C'est pas possible. Déjà. Il faut étudier l'histoire pour comprendre ça et pour en avoir les preuves et pour se convaincre de ça. Ensuite, il faut comprendre que le seul système qui est juste, c'est l'islam. Et que contrairement justement aux autres systèmes qui ont été imposés de force, l'islam, lui, a laissé la liberté à chacun de vivre en paix, en sécurité, de prospérer, que ce soit matériellement ou que ce soit spirituellement. La preuve, c'est que quand un peuple était conquis par donc les armées musulmanes, à l'époque du vrai jihad, entre guillemets, crochet et parenthèse, quand je dis vrai jihad, à cette époque, les peuples qui étaient conquis, soit ils acceptaient l'islam, soit ils gardaient leur propre religion, donc le christianisme ou le judaïsme, mais à ce compte-là, ils devaient payer la jizya. Et c'est pas une injustice, c'est quelque chose de normal, parce que nous on paye la zakat, eux ils payent la jizya, mais de l'autre côté, eux ils ne participaient pas au jihad, un, deux, ou du moins ils n'avaient pas cette obligation, deux, ils étaient protégés par le khilafa, trois, ils bénéficiaient de tous les avantages. Alors la jizya, c'est, pour répondre à la question, la jizya c'est un impôt que paye un non-musulman quand il vit dans le khilafa. Et c'est normal qu'il le paye parce qu'il bénéficie justement de la protection du khilafa, il peut prospérer, il peut vivre en paix en gardant son statut de chrétien ou son statut de juif. Et donc nous, de l'autre côté, on paye la zakat. Donc c'est normal. Et si les deux options n'étaient pas choisies par le peuple qui est conquis, là seulement c'était la guerre. C'est le jihad, le qital. D'accord? Donc il faut comprendre que Allah, il nous a placés comme étant des khalifs sur cette terre. Et qu'on a le devoir. On a le devoir donc de vivre et de faire vivre selon la loi d'Allah. Yom akmaltu lakum dinakum. Allah il nous dit aussi dans le Coran comme quoi il nous a donné une religion complète et qu'il a agréé pour nous l'islam. Celui qui va chercher une autre religion que l'islam, il sera perdant. Et alors, c'est là où les laïcs, les apostats laïcs, ils ont gagné du terrain sur nos cœurs, dans le sens qu'ils nous ont fait croire qu'on pouvait vivre en tant que musulmans, dans nos mosquées, et dehors, dans notre travail, endosser une autre étiquette. Endosser une autre étiquette, se mélanger avec les autres, faire comme les autres, avoir les mêmes objectifs que les autres. Parce qu'il faut être clair, on est dans un monde bipolaire, il y a les musulmans et il y a les non-musulmans. Et cette vision des choses, cette vision islamique aussi, elle balaie toutes les sortes de nationalismes, pour qu'on soit bien clair là-dessus également. Donc juste, déjà le premier point, pour qu'on soit clair, c'est tous les systèmes de gouvernance qui ont pris place sur Terre ont été des systèmes qui sont arrivés, mais qui ne sont pas arrivés par les roses et les beaux speeches. Ils sont arrivés également par la guerre. Et dans notre cas donc, le jihad. Ça, c'est une chose. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que maintenant, on vit une époque où le message de l'islam, il a été complètement déformé pour le bénéfice d'une poignée de personnes qui humilient donc la majorité des gens, yani nous les musulmans, la majorité des musulmans, qui nous humilient pour nous gouverner. Et que quand je vous dis, quand je parle du message authentique de l'islam, je dis le message complet. Parce que nous, justement, contrairement aux juifs, nous, on doit accepter tout le livre, tout ce qu'il y a dans le livre d'Allah. Pas juste une partie et rejeter une autre. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que malheureusement, on vit une époque où, pour le bénéfice de certains gouvernants apostats, tout a été changé. Et tout est devenu, et là je vais introduire un mot qu'on va justement voir en plus en profondeur dans le courant de ce speech, c'est le kufr duna kufr. Tout est devenu kufr duna kufr. Alors je vais vous donner un petit aperçu. Par exemple, on gouverne, on ne On passe des accords commerciaux avec les ennemis d'Allah, avec Israël, mais c'est pas grave, c'est du kofre dona kofre. Ça veut dire de la mécréance, une moindre mécréance qui ne sort pas son auteur de l'islam. D'accord? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des actes de kofre qui sortent les gens de l'islam, des actes de mécréance qui sortent les gens de l'islam, et il y a des actes de mécréance qui, donc, ne sortent pas les gens de l'islam. Et alors, si on va suivre justement cette troupe, cette ribambelle, ces armées de prêcheurs et de savants qui sont à la solde donc soit de Dunia, soit d'une poignée de gouvernants qui nous dirigent malheureusement, en effet, comme le dit donc le frère sur le chat, on va avoir une foule d'exemples sur lesquels ils ont transposé cette parole de Kofre Dona Kofre, et on va voir où, quand elle a été dite et pourquoi, et qu'ils l'ont mis partout. D'accord? Donc, par exemple, on va s'allier avec les koufars, contre les musulmans, comme ce qu'on a vu récemment pour le Mali, hein? Mais c'est pas grave, c'est du kofre dona kofre. Donc, on va passer des accords commerciaux avec Israël, mais c'est pas grave, c'est du kofre dona kofre. On va pas prier, on va abandonner la prière, mais c'est pas grave, c'est du kofre dona kofre. Et ainsi de suite. Finalement, on en vient au fait que on ne juge plus selon la loi d'Allah. D'accord? On ne juge plus selon la loi d'Allah et on ne, alors là on va introduire une notion différente, on ne gouverne plus selon la loi d'Allah. Très important. On ne gouverne plus selon la loi d'Allah. Et là, nous avons donc des savants qui, selon les propos de Ibn Taymiyyah, rahimahullah, sont des savants apostats. J'ai bien précisé, selon les propos de Ibn Taymiyyah, rahimahullah. On a des savants qui sont allés jusqu'à dire que gouverner selon autre que les lois d'Allah, c'est du kofre dona kofre. Yani, donc en d'autres termes, on peut gouverner selon autre que les lois d'Allah, c'est pas grave, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, et on reste musulman. Donc grosso modo, on fait ce qu'on veut, mais à la fin, c'est pas grave, on est quand même musulman, et on ira tous au paradis. Donc ça, c'est juste une introduction. Maintenant, on va voir, on va aller un peu plus loin là-dedans. Et pour finir mon introduction, je ne peux pas me passer également de vous préciser que maintenant il faut qu'on observe clairement les choses et qu'on voit autour de nous pour comprendre le pourquoi du comment gouverner selon la loi d'Allah. Il faut comprendre pourquoi c'est important. D'accord? Et donc pour ça, moi je vous invite, comme la dernière fois, donc quand j'avais essayé de faire ce speech sur un autre réseau, t'sais, je vous invite quand même à regarder autour de nous. C'est pas très vite on voit à quel point la terre donc elle est corrompue et à quel point on a besoin de réformes. Et que quand on observe les pays qui dominent cette planète, ils se déclarent et ils proclament détenteurs de la civilisation avec un grand C, vous savez, c'est eux les gens civilisés, c'est eux qui savent, etc. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils ont que l'apparat. Nous qui avons vécu, moi qui ai vécu 28 ans donc en Europe et vous qui vivez encore en Europe, vous voyez bien que c'est uniquement l'apparat, parce qu'à l'intérieur les cœurs sont pourris, excusez-moi du terme, mais c'est une réalité, et que les gens donc ont des maux, ont des troubles, ont des problèmes mentaux, il y a des serial killers, il y a des gens qui en arrivent à des atrocités, il y a des gens qui se suicident, les policiers qui se suicident, les mères de famille qui tombent dans la dépression, les pères alcooliques. Donc finalement de la civilisation, ils n'ont que l'apparat. Donc si on prend ça en compte, et ensuite les déchets toxiques, les milliers de bombes qui dorment partout sur le sol de la planète Terre. Sans parler justement des essais de bombes nucléaires, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la charia, elle dépasse notre petit nombril. La charia, la loi d'Allah, elle est là pour préserver la terre, pour préserver tous les êtres vivants, pour préserver l'honneur des gens, pour préserver la foi des gens, etc., etc., etc. D'accord? Mais nous, de l'autre côté, évidemment, on nous a donné justement une carotte pour nous faire avancer, tels des ânes, à savoir que, et pour nous endormir, il nous a mis de la poudre aux yeux, à savoir qu'on est occupé, on est occupé à aller surfer sur des sites comme Elkens ou sur Facebook, hein, désolé si je cite des noms, mais bon, à un moment donné, faut appeler un chat, qui nous occupe à nous poser la question de la halalité, hein, des saucisses Herta, et on est trop occupé à contempler les nouvelles formules de crédit islamique halal, alors qu'on sait tous que c'est haram, parce que ça reste de la riba malheureusement, et que tout le monde est occupé justement avec les finances islamiques et avec ce genre de choses. Pendant ce temps-là, on en oublie le plus important. On en oublie qu'on ne finit pas notre religion. On ne finit pas notre religion. On ne vit que la moitié de notre religion. Pourquoi? Ben parce qu'on se contente uniquement d'aller au mesjid et de revenir. Nos frères qui sont en Palestine, ça fait combien d'années qu'ils crèvent? Ça fait des années. Et que je sache, tous ces jeunes qui sont là habillés en Nike, en train d'haranguer des drapeaux Free Palestine, libérer la Palestine. Ils font même des concerts en Europe, c'est ça? Ils font même des concerts pour libérer la Palestine. Vous croyez franchement que c'est avec une guitare qu'on va libérer la Palestine? Il faut être un peu plus réaliste. Donc on se retrouve dans une situation où absence de charia, hein, absence justement de conscience que on doit pratiquer notre religion complètement. Et en plus de ça, donc on est occupé à acheter al-hakum tsakathur, on est occupé à courir après ce monde. Pendant ce temps-là, donc les enfants irakiens, ils sont toujours en train de mourir. Rassurez-vous, c'est pas grave, c'est trop politique pour nous. Nous, on va plutôt aller pencher vers le soufisme, et puis vers la spiritualité, et puis l'islam du cœur, et puis voilà, et on se retrouve avec des mariages homosexuels dans les mosquées. C'est bien. Donc, la conséquence justement d'avoir effacé la charia de nos cœurs, elle est là. C'est que maintenant, on se retrouve avec des moitiés d'islam. Et même, c'est triste à dire, mais on le mettra bien au clair tout ça, hein, durant les sessions qui suivront. Ce qui est triste à dire, c'est que certains d'entre nous sont devenus apostats. Malheureusement. Donc, il faut absolument qu'à un moment donné, nous, on reprenne l'islam d'entre nos mains. Il faut qu'on apprenne ce que c'est que l'islam, il faut qu'on apprenne ce que c'est que l'iman, il faut qu'on apprenne ce que c'est que le kofr, pour pouvoir se définir en tant que musulman et pour pouvoir vivre et pratiquer cet islam complet comme les sahabas l'ont vécu. Et pas comme ce que Youssouf al-Qaradawi ou ce que Tahar Mehdi ou je sais pas qui veut de nous. Parce que ces gens-là, malheureusement, ils ont prouvé à maintes et maintes reprises les problématiques donc qui sont mondaines, c'est leur problématique, c'est ça qui les motive. Et nous, personnellement, ce qui nous motive, c'est l'akhira. C'est l'akhira. Donc moi, ce que je vous propose humblement maintenant, c'est par rapport à tout ça, pour finir cette introduction, c'est de commencer déjà, parce que j'ai plusieurs traductions donc que nous allons entreprendre. Il y a la première donc qui est déjà sur le site. Hein, qui prouve donc par A plus B, c'est un ouvrage qui est assez lourd, je dirais, et assez indigeste sur certains points, mais qui est léger également en termes de fiqh, mais qui prouve par A plus B donc le fait que wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, qui prouve que donc gouverner selon autre que les lois d'Allah, c'est un grand shirk, sans ambiguïté. Alors, moi, ce que je vous propose humblement, c'est tout d'abord de commencer donc une étude simple, donc qui en fait, si on voulait symboliser ce livre, ce serait le Kufr bi Taghout. Ensuite seulement, il y a un autre ouvrage que je vais traduire, Inch'Allah, Rahman Rahim, qui est The Need of Sharia, donc toujours du même auteur, pour réaliser donc le besoin de Sharia, excusez-moi. Et c'est pour réaliser, donc c'est la deuxième phase, réaliser le bénéfice réel. Donc de la charia et pourquoi on en a besoin. Et enfin, le troisième ouvrage, Inch'Allah Rahman Rahim, c'est la méthodologie de retour. Donc c'est quelque chose qui va essayer donc d'implémenter un certain nombre de choses pour que justement nous puissions travailler concrètement sur le retour de cette charia qui nous est chère et que nous voulons voir. D'accord? Inch'Allah Rahman Rahim. Donc maintenant, je vais commencer par rapport au premier ouvrage. C'est un ouvrage qui a été traduit, qui a été écrit, pardon, en 96. D'accord? Ce qu'il faut comprendre, donc, c'est un ouvrage qui a été traduit, qui a été écrit, donc, il y a de ça pas mal d'années maintenant. Hein? Le problème est encore là. Il est juste accentué. Le problème, il est encore là. Il est juste accentué. Nous, ces dernières années, comme vous l'avez pu le constater, on a vu une nouvelle génération de prêcheurs qui se sont montrés de plus en plus féroces et rusés dans leur tentative de dissimulation, donc, de cette vérité évidente. Et dans cette tentative justement de dissimulation, et je dis bien tentative parce qu'ils pourront toujours essayer, ils y arriveront jamais, du moins totalement, non, c'est pas possible. Il y aura toujours une poignée de gharib, donc d'étrangers, qui comprendront et qui lutteront pour cette vérité. Inch'Allah ar-Rahman ar-Rahim, parce que c'est ce que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, dès qu'on touche à ce genre de vérité, et qu'on clame justement haut et fort cette vérité, évidemment, se fait taxer de khawarij, de takfiri, de jihadi, de qitali, et de plein d'autres noms. Et ça, ce sont des techniques qui sont utilisées par ces gens, que moi, je ne vais pas citer un par un, parce qu'il y a de nombreux groupes qui sont comme ça, mais je vais tout simplement dire les sectaires. Ça me suffit, parce que je ne vais pas perdre mon temps justement avec ces gens-là. Ni à les citer, ni quoi que ce soit, d'accord? Eux, ils perdent leur temps à essayer de nous réfuter, à toujours nous taxer, nous qualifier. Maintenant, nous, on essaie d'aller de l'avant. Donc, dans ce contexte de propagande extrême, ce qu'on se rend compte, c'est que chacun de ces mouvements sectaires, il a à chaque fois soit une affiliation gouvernementale, claire, d'accord? Ça, on le sent dans leur discours. C'est pour ça qu'à un moment donné, donc, justement, on dérape, hein, pour son gouvernant. Ou bien, ils ont simplement des objectifs mondains, matérialistes. Donc forcément, ils vont parler d'un certain nombre de sujets, mais pas d'autres. Hein? Quand on est en Europe, ben forcément, pour garder sa carte de séjour si on n'a pas la nationalité, ou pour rester en liberté, ou pour continuer à prêcher et avoir les fonds, des subventions, etc., eh bien là, on se retrouve avec des gens qui vont éviter de parler de la hijra, qui vont éviter de parler du jihad, qui vont éviter de parler du kufr de nos gouvernants, etc., etc. Kufr bawah, pour répondre à la question, c'est kufr évident. Hein? On va en parler, inshallah. C'est kufr bawah, c'est kufr évident. C'est une mécréance évidente. C'est-à-dire une mécréance sur laquelle il n'y a pas besoin d'explication. C'est quelque chose qui, vous le voyez, ça y est, hop, c'est sûr. Donc je continue, inshallah, rahman rahim. Donc, soit on verra une affiliation gouvernementale claire, soit on verra quelque chose qui a trait à ce monde. Donc dans tous les cas, en tout cas, leur point commun à ces gens-là, c'est qu'ils vont vendre leur religion, malheureusement. Qu'ils vont vendre leur religion à vil prix pour quelque chose de ce monde, alors que nous, ce qui nous intéresse, c'est de nous servir de ce monde pour atteindre l'au-delà. D'accord? Correctement devant Allah, Inch'Allah, Rahman Rahim, le jour du jugement. Donc, il y a une nasiha de Abu Hamza al-Misri, donc qui est incarcéré, et je vous demande de faire des doigts pour lui, parce qu'il est incarcéré donc aux États-Unis à l'heure actuelle, il a été extradé depuis l'Angleterre. Donc, qu'Allah le libère, amin. Et donc, il y a une nasiha de l'auteur au début de l'ouvrage, qui dit clairement, et donc qui parle clairement justement de ces histoires du fait qu'ils ont pris leur prêtre et leur rabbin comme seigneur à côté d'Allah, donc ça c'est dans le Coran, à savoir qu'on a une génération de jeunes qui maintenant, quand ils viennent vous parler, ils vous évaluent, ils jugent votre imam, ce qui n'a jamais eu lieu. Hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est très important ce point-là. C'est que ces gens, ces personnes, vont juger votre foi en fonction de l'amour que vous portez pour un tel cheikh ou un tel cheikh. Ils vont vous dire, qu'est-ce que tu penses de un tel? Qu'est-ce que tu penses de un tel? Qu'est-ce que tu penses de un tel? Par exemple, moi je vais venir, je vais te dire qu'est-ce que tu penses de Fawzan? Qu'est-ce que tu penses de Cheikh Rabia? Voilà. Qu'est-ce que tu penses de Cheikh Najmi? Qu'est-ce que tu penses de... Et donc, qu'est-ce que tu penses de Mohamed Hassan? Voilà, pour citer ceux qui citent toujours. Hein? Ou bien Nabil Awadi, ou bien Mohamed Arifi, etc., etc. Qu'est-ce que tu penses de lui? Et En fonction de vos réponses, là seulement, ils vont vous caser, ils vont vous dire, ah, mais là, en fait, t'es un Qutbi, mais en fait, t'es un machin, t'es un truc, t'es un Ikhwan, t'es un truc muche, t'es un blabla, t'es un Mubtadi, etc. Et donc là, on a un grave problème, nous. Parce que, Ahl Sunna wa Jama'a, nous, on n'évalue pas l'iman des gens en fonction, donc, on n'évalue pas la piété, pardon, de l'iman, non, la piété, on n'évalue pas la piété des gens, Afwan, on n'évalue pas la piété des gens en fonction du fait qu'ils aiment ou qu'ils détestent un cheikh. C'est très important de comprendre ça. D'accord? C'est très très important de comprendre ça. Parce que, nous, on a le concept de l'wala wal-wara, hein, donc de l'alliance et du désaveu, et qu'on aime et qu'on déteste pour Allah. Point! Point! C'est tout. Et qu'il y a seulement après des amours qui sont légiférés, comme l'amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelqu'un qui déteste le prophète sallallahu alayhi wa sallam, évidemment, ce n'est pas un musulman. Même s'il vous dit, je crois en Allah, je crois en Allah unique, etc. Parce que ça, ce sont des points qui font partie de notre aqidah. Quelqu'un qui vous dit, je déteste Isa alayhi salam, donc Jésus, c'est idem. C'est quelqu'un qui ne peut pas être musulman. Pourquoi? Parce que ce sont des points qui font partie de notre aqidah, de notre croyance, si vous voulez. D'accord? Quand je dis aqidah, c'est, si vous voulez, c'est notre croyance, en tant que musulman. Donc, quand on en arrive maintenant au 21e siècle et que des gens viennent au 21e siècle de notre, donc de l'ère des chrétiens, hein, donc au 15e siècle de notre ère, alhamdoulillah, et que des gens viennent vous dire, si tu n'aimes pas Cheikh Rabi, eh ben, c'est que tu n'es pas dans le bon manhaj, et qu'eux, ils vous condamnent au feu, par le biais de ce genre de paroles, jusqu'à aller vous qualifier de Khawarij, ou bien de Mubtadi, ou bien. Ce sont des appellations qui sont graves, lourdes de conséquences. Certaines même sont complètement erronées et fausses. En sortant de leur bouche, quand elles sortent de leur bouche. Mais malheureusement, on vit une époque où on en est arrivé là. Donc, ça, c'est déjà c'est une première déviance. Et donc Abu Hamza al-Misri, il précise donc dans cet ouvrage, et il dit, Allah nous a dit, amenez votre preuve si vous êtes véridique. Il nous a jamais dit, amenez vos chairs ou quoi que ce soit si vous êtes véridique. Nous, ce qu'on a malheureusement de nos jours, et tout le monde pourra le constater, hein, c'est que ces jeunes se font des tissus de preuves, se font des réseaux de preuves en fonction des paroles des shoyukh. Alors que nous, non. Nous, en tant que musulmans, nos preuves remontent à Allah et au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite seulement, on a en effet un certain nombre de grades en termes de méthodologie, fulfiqh, donc dans la science, dans la jurisprudence. Et on peut donc considérer également la parole des Sahaba, radhiallahu anhum, etc., etc., etc. D'accord? Sinon, en effet, comme le précise donc la sœur sur le chat, c'est que sinon on a un problème parce qu'on va prendre justement, on va faire comme les Juifs et les Chrétiens qui ont pris leurs prêtres et leurs rabbins comme idoles. D'accord? Par rapport à ça, je ne vais pas m'étaler, ça fera l'objet donc d'autres, de plus de précisions plus tard. Mais juste ce point-là, il est donc dénoté par Abu Hamza al-Misri dès le départ dans une nasiha, donc qui nous incite à rester justement droit dans notre recherche sincère de savoir, et que si on est sincère, on doit toujours aller chercher les preuves du Coran et de la Sunna, et qu'on doit oublier justement, peu importe, moi je parle en tant que qu'être humain également, même moi personnellement, je me suis déjà fait avoir, les frères ils en sont témoins, je me suis repenti par rapport à ça, yani, il faut être clair. On peut tous être enclins aux erreurs et que des fois on peut se faire avoir par l'éloquence d'un prêcheur, l'éloquence d'un de... Yani, de nos jours surtout, c'est l'époque des Dajjaloun, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des trompeurs, à savoir que vous avez beaucoup d'exhortations, même avec un frère en science, j'en ai parlé il y a de ça quelques mois, et il était d'accord avec moi sur le fait que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui font des exhortations, peu de gens qui font des vrais doros, des vrais dars, des vrais cours qui sont utiles, authentiques. Et il y a beaucoup d'exhortations, à savoir, bon bah, vous avez des gens qui sont là, qui deviennent tout rouges et qui parlent avec émotion, ou bien qui sortent quelques larmes, et puis les jeunes ils aiment ça, et ça devient de l'entertainment, yani du divertissement, ça devient des choses qu'on va regarder au lieu de regarder des séries ou bien des films. C'est pas comme ça qu'on apprend l'islam. C'est pour ça que je vous ai dit, dès le départ, ici sur Ansar al-Ghuraba, ce qu'on va essayer de faire, Inch'Allah ar-Rahman ar-Rahim, c'est de faire des choses qui sont un peu plus raisonnées, qui sont un peu plus posés et qui nous permettent d'enlever justement les ambiguïtés et les problématiques qu'on peut avoir dans notre foi, de comprendre ce que ça implique et ce que ça veut dire d'être musulman et de comprendre ce que ça implique donc concrètement pour nous, hein, et d'avancer et de pratiquer cet islam mais complètement, pas juste d'avoir un concours de speakers qui sont plus éloquents les uns que les autres, parce que ça nous intéresse pas, d'accord? Parce que ça nous intéresse pas. Parce que c'est pas la méthodologie d'Ahl Sunna wa Jama'a. On fait pas des shows, on fait pas des choses comme ça. Non, nous ce qu'on veut c'est du vrai, c'est du réel, du concret. Et oui, c'est des choses qui vont des fois faire mal, qui vont être dures. Mais c'est la réalité que nous cherchons, c'est la vérité que nous cherchons, c'est le paradis que nous voulons, Inch'Allah Rahman Rahim. Donc par conséquent, on doit faire des efforts et souffrir. Les gens sont capables de souffrir tout un mois pour un mois de salaire. Sont capables de se rabaisser devant un patron pour avoir 2 jours de congé. Donc nous maintenant, en tant que musulmans, le choix qu'on a fait, c'est d'accepter toute souffrance. Si elle vient d'Allah, toute épreuve qui vient d'Allah, on va l'accepter. D'accord? Pourquoi? On veut le paradis. On veut retourner là où on doit être. D'accord? On veut retourner là où on doit être, c'est-à-dire au paradis. Donc, On est prêt à souffrir, que ce soit 50 ans, 30 ans, 70 ans, tout ce que Allah nous aura destiné donc comme année à vivre sur cette terre pour gagner le paradis. Donc c'est pour ça que les discours éloquents, on court pas après. Non, nous on court après la vérité, inshallah. Donc ensuite, Abu Hamza al-Misri dans son ouvrage, donc il commence en précisant que voilà, c'est quelque chose qui vient s'implémenter sur une recherche sur le tawhid al-hakimiyya ou bien tawhid al-rububiyya, sur lequel on reviendra inshallah rahman dans les cours sur la aqida qu'on va faire sur Ansar al-Ghuraba. Donc le tawhid al-rububiyya, si vous voulez, c'est maintenir l'unité d'Allah dans sa seigneurialité, le fait que Allah c'est lui le maître, c'est lui le seigneur de l'univers, des univers. Ça, c'est quelque chose qui vient se greffer à ça, d'accord? Mais c'est un sujet qu'on traite parce que c'est un sujet qui est très contemporain et ambigu de nos jours, et c'est pour éliminer donc les éventuels doutes qu'on aurait par rapport à ce sujet, parce que c'est très important de comprendre que de nos jours, ce qui est appelé de l'eau et du feu, ce qui est appelé du feu et de l'eau, ce qui est nommé comme noir et malhonnête, est bien souvent blanc et honnête dans la réalité. Et c'est pour ça donc qu'il est très important d'aborder ce sujet en premier pour bien faire comprendre à nos frères et nos sœurs fillah azzawajal, surtout ceux qui ont un problème, qui ont, tout comme moi à une époque, je le précise, yani personne n'est à l'abri de ça malheureusement, donc qui peuvent avoir été confrontés à des prêcheurs d'un certain nombre de sectes qui sont nombreuses, ou à des alim entre guillemets qui sont aussi nombreux de ces sectes, qui nous ont fait passer donc un certain nombre de personnes comme étant des khawarij, d'accord, alors que ce n'en sont pas, ou bien des takfiri, ou bien, d'accord. Alors ensuite, il précise également que il faut pas nier les mots de Ibn Abbas, kufr dona kufr, parce que je sais qu'il y a certains de nos frères sincères, qui essaient de les nier carrément, hein, d'accord, mais il faut pas les nier, ils sont véridiques, mais il faut les comprendre, d'accord. Il faut comprendre, donc ensuite il enchaîne en expliquant le sens littéral, donc une mécréance moindre, donc, et pourquoi ils ont été dits ces mots-là. Hein. Ces mots-là, ils ont été dits alors que Ibn Abbas, il répondait à des khawarij. Il répondait à des khawarij, des vrais khawarij de l'époque. Il leur répondait parce que ces khawarij avaient pris un verset du livre d'Allah. Donc à savoir le verset 44 de la sourate Al-Ma'ida, la sourate 5, et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, les voilà les mécréants. C'est un verset qui est très connu, d'accord? Et ce verset, justement, il est utilisé et les gens en abusent à tort et à travers, constamment, d'accord? Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les Khawarij, ils en ont fait une interprétation, ils en ont eu une compréhension qui était erronée. Et de cette interprétation et cette compréhension erronée, ils ont commencé à qualifier Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, d'accord, et Muawiyah, ainsi que le représentant de Kafir. C'est ça le problème. C'est de là qu'est venu le problème. Parce qu'il faut comprendre que ils ont eu un conflit. Et que les Khawarij se sont mis du côté à la base de Ali. Et que leur interprétation, leur mauvaise interprétation de l'issue qu'a eu ce conflit, leur a fait dire que c'était des mécréants. Parce qu'ils ont dit, voilà, nous, il y a ce verset-là, donc, bah voilà, c'est des mécréants. Point. Alors, là, moi, je vais m'arrêter un moment, et afin que tout le monde comprenne bien, il faut que déjà, on comprenne une chose. C'est qu'il y a un process. D'accord? Il y a un processus qu'il faut comprendre. Entre le fait de prendre un verset, d'accord, et le fait de l'appliquer sur une situation, il y a un processus qui va avec ça. Parce que c'est là justement qu'il y a beaucoup de gens qui malheureusement s'égarent tout seuls, hein. Ils font des interprétations qui sont personnelles. Et ça, c'est une grave erreur. Il faut comprendre que nous, en tant que musulmans, vous lisez un verset du Coran, il est très important qu'avec ce verset, vous ayez la compréhension correcte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a enseigné à ses compagnons pendant 13 ans l'iman ou l'aqida, donc la croyance et la foi, donc quand il était à Mecca, et ensuite seulement quand il a fait l'hijra et qu'il était à Médina, là seulement il y a eu donc d'autres versets qui sont descendus, donc les versets qui sont dits à Madani, donc de Médine, et que ces versets-là, ils parlaient de la gouvernance, de la législation, de comment est-ce qu'on va traiter nos affaires, de comment et des interdictions également, l'interdiction de l'alcool, etc., etc., etc., etc. Mais qu'à la base, faut comprendre que ils ont appris la aqida. Et ensuite seulement, ils ont appris les législations, ils ont appris d'autres choses, une fois qu'ils avaient compris ce que c'était que la croyance. Une fois qu'on a compris la croyance, là, on va comprendre le Coran plus correctement et plus facilement. Et c'est pour ça que vous avez une énorme différence entre la compréhension des Sahaba et notre compréhension. Et c'est pour ça qu'il est très important de nos jours, puisque de nos jours, malheureusement, nous n'apprenons plus notre croyance correctement, donc il est important de s'en référer justement à la compréhension des Sahaba. Quand vous avez un verset du Coran, il ne suffit pas de le lire et de l'appliquer simplement dans notre vie. D'accord? Non, il faut aller chercher le tafsir, mais il faut chercher aussi les ulama, qu'est-ce qu'ils ont dit? D'accord? Les sahaba, comment ils l'ont vécu? Parce que, ah oui, petite précision de taille, quand je dis les ulama, donc les savants, basiquement, moi je parle des sahaba. Basiquement, quand je dis les savants, je parle des sahaba. Parce que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était les savants, c'est nos savants, basiquement. Après seulement, on va parler des savants de nos jours qui font des ijtihad et qui nous apportent une meilleure compréhension vis-à-vis de notre réalité. Alors c'est là que je vais pouvoir vous résumer donc le raisonnement auquel je voulais vous amener, à savoir la différence entre hukm shar'i, donc hukm shar'i, fatwa et jugement. Donc ça, Abu Hamza al-Misri, il l'explique correctement dans cet ouvrage. Que, basiquement, on a al-hukm shar'i. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le jugement, donc, légal, littéralement. Ça voudrait dire ça, al-hukm shar'i. Mais qu'est-ce qu'on, nous, on appelle al-hukm shar'i? C'est soit le Coran, soit la Sunna, par exemple. D'accord? Et donc, par exemple, j'ai mon verset du Coran. Ça, c'est mon hukm shar'i. Par rapport à une situation donnée. Ensuite, j'ai la fatwa, et ensuite, j'ai le jugement. Qu'est-ce que c'est la fatwa? Moi, par exemple, je suis un qadi, je suis un juge, d'accord, dans un tribunal. D'accord? J'ai un cas qui se présente devant moi. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller chercher le hukm shar'i, qui est adapté à ce cas. C'est-à-dire qu'il faut que je cherche le verset du Coran et confirmer que ce verset du Coran, il est adapté au cas que j'ai. D'accord? Et donc ça, là seulement, si avec la compréhension que j'en ai, d'accord. Et en voyant tous les hukm qu'il y a aussi, hein, parce que ça c'est une erreur aussi que beaucoup font, c'est que faut comprendre qu'il y a des versets qui vont s'appliquer sur certaines situations et d'autres versets qui vont s'appliquer sur cette situation également. Donc il faut prendre l'ensemble des versets, l'ensemble des hadiths. Donc ça c'est le travail du qadi. Il va prendre les ahkam shar'i, yani les hukm shar'i, il va les mettre en correspondance avec sa réalité, le cas qu'il a devant lui. Et là, il va faire une fatwa. D'accord? Donc, hukm shar'i, c'est l'ensemble des preuves. La fatwa, c'est quand moi, je vais être sûr que les hukm shar'i, ils sont en cohérence avec ma réalité. Donc là, je vais émettre une fatwa. C'est-à-dire que je vais dire, voilà la peine, la sentence, ou bien voilà l'état de mécréance, ou de non-mécréance, ou bien, de la personne, ou bien, dans la situation, voilà ce qu'on va faire. Et ensuite seulement le jugement, c'est le fait de l'exécuter cette fatwa et de m'assurer qu'elle va être exécutée cette fatwa. D'accord? Donc ça, c'est très important de comprendre les trois nominations. Al-hukm shar'i, ça c'est nos preuves. La fatwa, c'est l'ijtihad que je vais faire pour adapter ce hukm shar'i par rapport à ma réalité. Et le jugement, c'est le fait que je vais exécuter. Et donc gardez ça en tête parce que c'est très important de comprendre ces différentes notions. D'accord? Ce qu'il faut comprendre, c'est que Ibn Abbas, radiallahu anhu, quand il a dit kufr dona kufr, quand il a dit ces paroles, il était devant des khawarij en train de leur répondre. D'accord? Et que c'était une fatwa de sa part. Très important de comprendre ça. Que c'était une fatwa de sa part. Kufr dona kufr, ce ne sont pas des paroles qui ont été dites par Allah, ni par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas un hukm shar'i. C'est un ijtihad qu'a fait Ibn Abbas radiallahu anhu par rapport à un contexte qu'il avait, pour faire comprendre aux Khawarij qu'ils s'étaient trompés dans leur compréhension, donc, du verset 44 de la Surat al-Ma'ida. Donc à ce moment-là, on comprend mieux que ce que font maintenant les gouvernants et certains prêcheurs à l'heure actuelle, pardon, pas les gouvernants, ce que font les savants de ces gouvernants et les prêcheurs à l'heure actuelle, ce qu'ils font de nos jours, c'est quelque chose qui n'a rien de normal. Pourquoi? Pourquoi? Parce que eux, ce qu'ils prennent, c'est une fatwa, mais est-ce que... Attends, moi, je vous pose une question. C'est une fatwa de Ibn Abbas qu'ils prennent, cette parole, kufr duna kufr. Mais est-ce que ces paroles, elles sont dites dans le bon contexte de nos jours? Est-ce que ces savants, quand ils parlent, Alaykoum salam wa rahmatullah. Est-ce que ces savants, quand ils parlent, ils sont face à Ali? Est-ce qu'il s'agit de défendre Ali? Parce que Ibn Abbas, il a dit quoi? Il a dit kufr duna kufr pour défendre Ali, Muawiya et les compagnons. D'accord? C'est ça qu'il faut comprendre. Mais de nos jours, ces prêcheurs, ces savants, eux, ils nous disent kufr duna kufr pour défendre qui? Pour défendre qui? Pour défendre un tel président, entre guillemets, ils appellent ça les présidents, un tel dictateur. Oui, on va en parler plus tard, ça c'est dans les cours qui suivront, les tawarites en effet. Donc les tawarites, c'est les gens qui s'approprient le tawhid al-hakimi à ce niveau-là justement, qui font des législations, on va en parler juste après. Donc c'est ça le problème. C'est que déjà, ils ont sorti les mots de leur contexte et qu'ils ont utilisé les mots de Ibn Abbas, hors contexte, et d'une. De deux, ils les ont utilisés alors que ce n'est pas un ijma', et eux, ils n'arrêtent pas de dire que c'est un ijma'. Qu'est-ce qu'on appelle un ijma'? C'est une des sources de shara, si vous voulez, une des sources de législation fil islam, c'est le consensus. Le consensus de qui, déjà? Alors eux, ils osent prétendre que c'est le consensus des sahabes. Consensus, c'est-à-dire que tous les sahabas, ils étaient d'accord sur la parole de Ibn Abbas, kufr duna kufr, ce qui est complètement faux. Ce qui est une bêtise pure et dure. C'est complètement faux. Parce qu'encore une fois, cette parole, elle a été dite dans un contexte pour répondre à des khawarij. Donc maintenant, si on se concentre plus sur la réalité du temps de Ibn Abbas, justement, on va voir un certain nombre de points simples, déjà. Un des leaders, donc, qui était impliqué dans le conflit en question, c'était Ali, on l'a déjà dit, radiallahu anhu. Ces gens, ils l'appellent kafir, les khawarij. Alors que Ali, radiallahu anhu, il a été promis au paradis par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, déjà, première incohérence de la part des khawarij. D'accord? Ensuite, Muawiya, il lui fut attribué des travaux importants par les khulafa. Et c'est lui qui mettait par écrit la révélation du Coran par le biais du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Faut comprendre le statut de ces gens. Faut comprendre le statut de ces gens. C'était pas n'importe qui. Et donc nous, on compare ces gens à Ben Ali, c'est ça, ou l'autre là, Moubarak, etc. Bon, je vais pas aller plus loin, tout le monde a compris ce que je veux dire. Ensuite, les deux parties qui étaient en dispute, hein, ils étaient peut-être en dispute, mais ils avaient plus de savoir que les ignorants de leurs époques, à savoir les Khawarij. D'accord? Et eux-mêmes, entre eux, ils ne s'appelaient pas avec des titres pareils, de Khawarij. Ensuite, quatrième point que dénote Abu Hamza al-Misri, c'est que la charia, elle était intacte à 100% et appliquée. Ça, c'est très important. Ça, c'est très important. D'accord? De comprendre une chose. Moi, je vais essayer d'enchaîner un peu plus vite, d'accord? Et puis, moi, ce que je vous demande, c'est ceux qui veulent avoir beaucoup plus de détails, ils peuvent s'en référer, justement, à la traduction qui est sur le site. Mais, il faut comprendre une notion importante. Il y a une différence entre la gouvernance, d'accord? Entre le fait, pardon, de gouverner, de juger et d'exécuter. D'accord? Parce que là, quand Abu Hamza al-Misri, il nous dit, la charia est intacte à 100%. Moi, j'ai déjà entendu, c'était le frère Yahya, là, Jean-Louis de Soumi, qui avait eu un débat avec un sectaire, donc, et qui est le sectaire, il lui rétorquait, oui, mais le Coran, il est là, il est pas touché. Allah, il nous dit dans le Coran comme quoi c'est lui qui l'a fait descendre, c'est lui qui le préserve. Donc oui, le Coran, il n'est pas touché. Mais ça ne veut pas dire, pour autant, que la législation, elle n'a pas été altérée. Et ça, c'est un problème. Et donc là, nous introduisons le terme de législation. Pourquoi? Pour faire comprendre c'est quoi la, alaykoum salam wa rahmatullah, c'est quoi la gouvernance? C'est quoi la gouvernance? La gouvernance, ça englobe le fait de légiférer, le fait donc de s'assurer que les jugements sont faits et qu'ils sont appliqués. Que les jugements sont faits en fonction de cette législation, pardon, et qu'ils sont appliqués. Donc, la gouvernance, c'est avoir la responsabilité de légiférer et de s'assurer que les jugements sont faits en fonction de cette législation et qu'ils sont exécutés, ces jugements. Alors, il y a la gouvernance d'un côté, ensuite il y a le fait donc de juger. Donc la gouvernance, elle englobe le point le plus capital, c'est la législation. D'accord? C'est ce qu'ils appellent le législatif, il me semble. Ensuite, il y a le fait de juger. Ça, c'est le rôle du juge dans le tribunal. D'accord? Et ensuite seulement, il y a le fait de faire appliquer cette législation. Et là, on peut dire, par exemple, c'est le rôle des policiers. D'accord? Du policier lambda. D'accord? Quand nous, on affirme que la charia n'est plus respectée, c'est parce que la législation, elle a été altérée. Et là, c'est très important de comprendre ça. À l'époque des Sahaba, la charia, c'était la charia. Et ce qui dit, et là où, j'en profite pour faire une petite, j'en profite pour faire une petite parenthèse, là où justement leur comparaison, quand certains nous comparent à des khawarij, elle tombe à l'eau, c'est que les khawarij de l'époque, hein, ils étaient connus pour être zélés dans leur pratique de l'islam. Et eux, ils se battaient pour faire appliquer la charia. D'accord? Tandis que maintenant, ce qu'on retrouve, c'est des gens qui se battent et qui nous tuent et qui nous assassinent et qui nous mettent en prison pour enlever la charia. Parce que là, on parle du législatif. D'accord? Il y a une différence entre le fait de juger selon autre que la loi d'Allah. Yani, moi je suis un juge, je suis dans un tribunal, d'accord? Moi, on m'a donné un livre et on m'a dit, tiens, ça c'est sur ça que tu vas juger. D'accord? Ok? Ça c'est une chose. Moi, je vous dis, je parle de la personne qui est avant tout ça. Moi, je parle des gouvernants, parce que c'est là qu'il y a un problème. Qui, eux, nous disent clairement, ok, très bien, nous, le Coran, très bien, mais non, on va pas, on va faire des autres lois. On va faire des autres lois. On va faire des lois qui n'ont rien à voir. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est là que siège le véritable problème. Après, il y a le fait de rendre des jugements selon autre que les lois d'Allah. Ouais, comme ça. On ne se désavoue pas d'un émir qui juge d'après les lois d'Allah. S'il juge selon les lois d'Allah, alhamdoulilah. Mais alors moi, je parle de gouvernance. C'est encore plus loin. Vous voyez? C'est qu'il faut pas toucher à la gouvernance, il faut pas toucher au hukm, dans le sens la législation, la loi, la charia, il faut pas la toucher. Après, s'il y a un émir, ce qu'il faut comprendre, maintenant, pour bien me faire comprendre, on a un émir qui fait appliquer la charia, d'accord? Qui fait appliquer la charia, et que la charia, elle est là, elle est écrite, et personne ne la change. Alhamdoulilah, c'est bon. Mais sur un point, il va dévier. Sur un point, une fois, ça c'est autre chose. C'est là seulement, d'accord, qu'on va parler de kufr duna kufr. D'accord? On va parler de kufr duna kufr. Juste pour résumer, hein. On va parler de kufr duna kufr quand la loi d'Allah elle est intacte et quand on va dévier dans un jugement particulier. Que ce soit pour le bénéfice de ce monde, ou que ce soit parce que c'est une personne qu'on aime bien, je vous donne un exemple concret qui est donné dans le e-book là, qui est traduit, donc de Abu Hamza al-Misri, c'est le jugement par exemple par rapport à Zina. Et imaginons, moi je suis juge, d'accord? Je suis juge dans un état qui respecte la charia à 100%, d'accord? Mais il y a quelqu'un qui fait partie de mon voisinage et que je dois juger. Et qu'est-ce que je vais faire? Eh ben là, je vais commencer à. Il y a quatre témoins. Eh ben, il y en a un que je vais commencer à remettre en doute. Parce que vous savez, pour Zina, il faut quatre témoins. Il y en a un que je vais commencer à remettre en doute. Pourquoi? Parce que la personne, c'est ma voisine, alors je veux pas que cette personne, elle se fasse lapider à mort. Donc forcément, je vais essayer de trouver une faille, même s'il n'y en a pas une. D'accord. Donc là, c'est un fiasco. Donc là, c'est du couvre-feu. Là, je suis pas sorti de l'islam. Pourquoi? Parce que dans 99,99% des cas, je juge selon ce qu'on m'a donné, c'est-à-dire Kitab Allah. Moi, c'est notre Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Mais dans ce cas précisément, je vais faire preuve d'une perversion. Et là, donc, je suis un juge fasiq. Par contre, il y a l'autre forme également, c'est le dolm, c'est le juge d'alm. Donc, qui lui, c'est par rapport à un pot de vin, par exemple. On va lui donner un pot de vin pour éviter le jugement à ce moment-là. D'accord? Et il y a l'autre type de juge, et c'est là qu'on en arrive à ce qu'on a, justement, de nos jours, c'est celui qui va venir. Hein, qui va venir et qui va vous dire non, nous, dans les cas de Zina, hein, en fait, on met des peines de prison et on ne lapide pas à mort. Alors lui, c'est un kafir. Juste pour qu'on soit clair, il est sorti de l'islam. Pourquoi? Parce que lui, il n'a pas pour un bénéfice de ce monde, ou parce qu'il craint, ou bien parce qu'il ne veut pas s'attirer les foudres de son voisinage, ou bien. Modifié, jugé selon autre que la loi d'Allah. Non, lui, il a modifié la législation, parce qu'il dit clairement, ouvertement, très bien, Kitab Allah, il est là, oui, d'accord, la peine pour Zina, c'est ça, moi, je vais pas faire ça, je vais faire autre chose pour Zina. Parce que nous, voilà ce qu'on fait. Ça, c'est un kafir. Et donc, nous, ce qu'on a de nos jours, malheureusement, et selon al-ijma' al-ulama, d'accord, donc le consensus des ulama, et le consensus des sahaba. Qu'est-ce qu'on a de nos jours? On a un kufr bawah. Un coffre évident. D'accord? On en revient là. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ce n'est pas que sur certains cas, ils jugent selon autre que les lois, la loi d'Allah. Non, c'est que eux, ils ont pris la charia, ils l'ont mis à la poubelle et qu'ils sont en train de concocter d'autres lois à base des lois françaises, anglaises et tout ce que vous voulez. Et donc, par rapport à ça, il y a, pour ne citer que lui, par exemple, je ne sais pas, je crois que sur le e-book, il n'est pas cité, mais il y a Ahmed Shakir, par exemple, qui en a parlé. Et qui a clairement dit que c'était un kufr bawah. Quand je vous dis Ahmed Shakir, évidemment, personne ne sait ce que c'est, ne sait qui c'est. Peu de gens connaissent Ahmed Shakir. Parce que il fait partie de ces savants qui, sont volontairement, dissimulés. D'accord? Qui sont clairement dissimulés. D'accord? Par, nos chers, collègues les sectaires. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un justement qui a parlé par rapport à ce genre de sujet, qui s'est élevé contre ce genre de sujet. Rahmallah, il est mort en 1958 et qui a clairement dit, parce que lui, il a vu ça s'implémenter, il a vu la chute du Khilafa, et il a vu donc ça s'implémenter, donc les autres lois. Et lui, il en a parlé clairement. Il a dit clairement que c'était un kufr bawah et qu'il n'y avait pas pire comme shirk. Pourquoi? Parce que inna al-hukmu lillah, inna Allah al-hakim, c'est Allah qui légifère, c'est Allah qui est le juste, c'est Allah qui est le maître. Donc c'est à lui de nous dire qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qui n'est pas bon pour nous. Et on remarquera que tous les systèmes qui ont été mis en place dans le passé, d'ailleurs, sont tombés. Le capitalisme, le communisme, la démocratie, etc. Toutes ces choses-là sont des choses qui ne mènent à rien, et qui sont vaines et qui ne peuvent pas tenir en place. On le voit dans les sociétés mécréantes qui sont en train de chuter, qui sont en proie à des maux qui sont innommables. Donc, Ahmed Shakir l'a vu, rahmaoullah, al-Sheikh, al-Muhaddith, al-Mufassir, al-Qadi, Ahmed Shakir l'a vu de ses yeux et lui l'a dénoncé à l'époque. Et pour info, donc lui avait de nombreux choyours, dont certains du Maroc d'ailleurs, pour info, et donc, c'est quelqu'un qui fait partie des grands savants du siècle dernier. Et comme je vous ai dit, il n'est pas popularisé par les sectaires de nos jours. Ses travaux ne sont pas popularisés. Quand, par contre, on a demandé à Cheikh Al-Albani, rahimahullah, quand on a prononcé le nom de Ahmed Shakir devant lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Al-Allama Ahmed Shakir. Pourquoi? Parce que Ahmed Shakir, non seulement il était muhaddith, comme Cheikh Al-Albani, rahimahullah, mais il était mufassir, mais il était qadi aussi. D'accord. C'était quelqu'un qui avait plusieurs fonctions et qui avait une science qui dépassait de loin celle de Cheikh Al-Albani. Pourtant, de nos jours, tout le monde prend les paroles de Cheikh Al-Albani et oublie les autres. Et donc on a des Albaniyin ou des Albanis ou appelez-les comme vous voulez. Pourtant, Cheikh Al-Albani, pour info, qui était son cheikh? Je vous avais déjà posé la question ici sur le réseau, donc certains devraient savoir. Hein? Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il a appris l'islam dans une bibliothèque. D'accord. Et je dis pas ça méchamment. Je dis juste que Nos références, il faut pas qu'on se les restreigne à ce que nous, on nous a donné. Il faut creuser pour aller chercher la vérité. D'accord? Il y a beaucoup de savants qui ont fait des ijtihad par rapport à ça. Maintenant, je vais aller un peu plus loin, je vais vous préciser encore une chose avant qu'on finisse, inshallah, rahman rahim, dans pas longtemps. Ibn Kathir, rahimahullah. Je pense que beaucoup de personnes connaissent ce nom. D'accord? Ibn Kathir, donc le cheikh donc des mufassirun, d'accord, de ceux qui ont la science du tafsir, donc de l'interprétation du Coran, lui-même à l'époque il avait vécu ce qu'a vécu donc Ahmed Shakir et ce qu'ont vécu ce qu'a vécu Ibn Taymiyyah également, rahimahullah. Et donc justement que ce soit Ibn Kathir ou Ibn Taymiyyah, ils ont vu, qu'est-ce qu'ils ont vu eux? Eux ils ont vu les ancêtres de Gengis Khan. Vous savez c'est qui Gengis Khan? Un conquérant mongol. Mongol, c'est pas péjoratif, hein, c'est le pays. Ses descendants ont envahi donc les péninsules, donc qui étaient la péninsule qui était occupée par les musulmans, d'accord, qui étaient musulmans. Et quand ils ont vu cette invasion, c'était les Tatars, je crois, voilà. Et quand ils ont vu cette invasion, qu'est-ce qui s'est passé? Donc ses descendants, qu'est-ce qu'ils ont mis en place eux? Ils ont mis en place non plus le jugement selon Kitabullah, mais le jugement selon le Yasir. Ils appelaient ça le Yasir. Et c'est quoi le Yasir? C'est un livre qui a été donc écrit par leur prédécesseur là, Gengis Khan, hein, qui est à base de quoi? Qui est à base de Coran, très peu, hein, très très peu, mais qui est à base surtout de culture de mushrikine, de culture de chrétiens, d'un peu de judaïsme, d'un peu de tout et de rien. Et donc ces gens-là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils se sont battus, d'accord, pour ne pas laisser faire ça, et qu'ils ont clairement affirmé que c'était du shirk et un kufr, ben ouais, une mécréance évidente. Je veux dire, les nombres de fatwas qui sont là par rapport à ça, elles sont énormes. Il y a pas, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas d'irtilef comme ce que certains essayent de nous dire, ou de consensus sur le couvre d'un accord, il n'y a pas d'irtilef sur ce sujet. D'accord? Ensuite, ce que je voudrais préciser pour finir, Inch'Allah, Rahman Rahim. Donc par rapport à ça, encore une fois, si vous voulez plus de détails par rapport à ça, et par rapport au fait d'avoir les preuves évidentes que le fait de gouverner selon autre que les lois d'Allah, c'est une mécréance pure et dure, une grande mécréance évidente, allez sur le site, Inch'Allah, et téléchargez le e-book et plongez-vous dans cette lecture. Maintenant, moi, ce que je voudrais préciser, c'est par rapport au terme khawarij. Beaucoup de gens, donc, nous traitent de khawarij, à tort. Je le précise et je ne le dirai jamais assez. Inch'Allah, on essaiera d'aller un peu plus loin par rapport à ça pour éluder ça. Mais je voudrais juste préciser une chose. Il y a quand même beaucoup de contradictions chez les sectaires. Par exemple, une des plus grosses contradictions, c'est quand il nous traite de Khawarij en oubliant le cas de Muhammad ibn Abdul Wahhab. Parce que Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, ils le prennent tous comme exemple, ils prennent tous leurs livres, mais Muhammad ibn Abdul Wahhab lui-même est sorti contre son gouvernement. Donc le calife à l'époque en Turquie. Pourquoi? Parce que il commençait à légiférer selon autre que les droits d'Allah. Voilà pourquoi. Donc il faut jamais oublier ça, que il faut aller chercher soi-même. Il faut aller chercher soi-même, parce que malheureusement, si on laisse les autres nous dire ce qui a été, tout à fait, il n'a pas été traité de takfiri, hein, à part justement par les polythéistes de l'époque. Mais ce qu'il faut comprendre, donc, c'est ça, c'est que si on laisse les autres nous donner leur version de l'histoire, ils nous donneront jamais la vérité entière. Donc il faut surtout, surtout, surtout aller chercher ces réalités nous-mêmes. Et pour finir, donc je vous invite aussi à un peu de logique et un peu de raison, hein. D'accord? Maintenant imaginez-vous un lycéen, d'accord? Qui arrive toujours en retard. Qui arrive toujours en retard. Qui assiste à un cours sur deux. Qui des fois tourne le dos au professeur pendant le cours et joue à la Super Nintendo, hein. D'accord? Qui n'assiste aux examens qu'une fois sur deux, et qui vient à l'examen final, et qui répond aux questions, mais en chinois. D'accord? Et quand Et quand un CPE ou un surveillant va essayer de le rappeler à l'ordre, hein, il va venir et il va lui dire, écoute, moi j'ai décidé que c'est comme ça et que j'aurai mon diplôme. Quelle va être la réaction du directeur? Quelle va être la réaction de l'académie? Il va avoir Est-ce que ce lycéen va avoir son diplôme? Évidemment que non. Il n'aura pas son diplôme. Pourquoi? Parce qu'il ne se sera pas plié aux règles. Parce qu'il n'aura pas fait les choses comme il faut, tout simplement. C'est simple, clair et net. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Donc c'est simple, clair et net. Notre état, il est le même de nos jours. Certains voudraient nous faire croire qu'on peut croire en une partie du livre d'Allah et pas à l'autre. C'est-à-dire que on va vivre comme des mécréants. Dans le sens que nous, ce qu'on veut, c'est une grosse télé grand écran, regarder le dernier match de foot, avoir une belle femme, avoir une pelouse bien tondue, avoir une machine à laver vedette, avoir un frigo bien rempli, avoir une belle voiture, faire un crédit pour acheter sa maison. Donc on va faire tout comme un mécréant. Mais, de l'autre côté, on est musulman, c'est dans le cœur, on est musulman, c'est cool, c'est bon, on va tous aller au paradis, dunya, dunya, dunya, dunya, et à la fin seulement, on va se rappeler Allah. D'accord? Et demandez aux gens autour de vous et vous verrez de vous-même. C'est des choses que moi j'ai déjà fait personnellement. Demandez aux gens autour de vous, dites-leur, demandez-leur, c'est quoi ton but dans la vie? Et vous verrez que la plupart des gens vous répondront, oui, alors moi mon but c'est d'avoir un bon job, d'avoir un bon truc, d'avoir ci, d'avoir ça, d'avoir ci, une bonne situation, une belle voiture, machin, machin. Et à la fin de leur liste de vœux pieuses, qu'est-ce qu'il va y avoir? D'être bien avec Allah. Égalité. Ouais, je vole personne, je fais pas de mal à une mouche, c'est bon, c'est bien et tout. Il faut vraiment, vraiment, vraiment, à un moment donné, comprendre que l'islam, il est complet, et que restreindre la religion à un aspect cultuel pur et dur, c'est une bêtise qu'on nous a introduite. L'islam kamil, et il gère tous les aspects de notre vie. On doit vivre en tant que musulman, respirer en tant que musulman, mourir en tant que musulman, aimer en tant que musulman, détester en tant que musulman, travailler en tant que musulman, etc., etc., etc., etc., etc. D'accord? Et qu'on ne peut pas concevoir le fait de se prétendre musulman, mais de vivre selon autre que les lois d'Allah. Et en réponse aux sectaires qui également, par exemple, ont critiqué les mouvements européens comme Sharia for Belgium, Sharia for UK, Force en l'Izza, et l'Akhiré, et qui les ont viruleusement attaqués avec des arguments qui étaient complètement faux, hein, je le dirai haut et fort toujours, et qu'Allah libère nos frères, Amin. Quelles que soient les divergences qu'on peut avoir avec eux, ça reste nos frères. D'accord? L'argument phare que ces gens nous disent, c'est oui, mais ils sont en terre de kofre, ils peuvent pas parler de charia. C'est une bêtise pure et dure. Parce que l'argument qu'on peut leur opposer, il est simple et il est concret et il existe. Donc pour ceux qui ne le savent pas, allez voir en Inde. L'Inde, c'est un pays à majorité mécréante. La majorité des gens en Inde, ils idolâtrent des statues, des éléphants, des je sais pas quoi, tout ce que vous voulez, d'accord? Ça, c'est une chose. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont organisés, hein, d'accord? Ils se sont organisés et ils ont revendiqué leur droit à pratiquer l'islam complètement, à savoir, à être jugés selon la loi d'Allah. Parce qu'ils ont clairement dit, nous, on est musulmans. Ok, très bien, vous êtes des mouchriks, vous adorez les rats, les chiens, les chats, tout ce que vous voulez, vous avez des statues. Nous, par contre, on est musulmans. Donc nous, on ne peut pas se permettre, si l'un de nous commet un crime, ou si l'un de nous se marie, ou si l'un de nous hérite, notre religion nous interdit d'aller dans vos tribunaux et d'être jugés selon vos lois. Et finalement, ils ont réussi à avoir gain de cause. Et du coup, eux, ils ont ce bénéfice, alors qu'ils sont dans une terre qui a majorité mécréante, ils auraient réussi à revendiquer leurs droits pour être jugés selon la loi d'Allah. Il y a des tribunaux islamiques en Inde, et quand quelqu'un donc a quelque chose à faire avec la justice et qu'il est musulman, il va être jugé dans un tribunal musulman. Donc, moi je vous invite à réfléchir correctement par rapport à ce dernier fait, et à comprendre une chose. En tant que musulman, on doit vivre en tant que musulman pleinement, avec une sharia qui est appliquée pleinement, et donc dans nos affaires de tous les jours également. D'accord? L'héritage. Quand quelqu'un d'entre nous meurt, il y a donc des règles dans notre loi. Et on ne va pas aller chercher la loi des kofars. Le mariage, idem. D'accord? J'ai beaucoup d'exemples à vous dire, mais je vais m'en passer parce que le temps nous manque. Mais juste par rapport au mariage, n'allez pas croire que le mariage à la mairie est un mariage islamique. C'est pas parce que quand vous allez au consulat, moi je parle en connaissance de cause, par exemple, nous les Marocains, quand on va au consulat du Maroc, si vous êtes donc comme moi je suis né en France et l'Akhiré, etc. Donc quand j'étais là-bas, Quand j'ai voulu me marier, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit, non, non, il faut déjà aller. Ils me disent quoi? Ils me disent, non, non, mais attends, l'islam, il faut déjà que tu ailles faire un mariage à la mairie, et après tu viens, et après seulement on pourra te faire ton acte. Ah bon? Qu'est-ce que ça a à voir avec l'islam, ça? Pourquoi est-ce que moi, je vais aller montrer mon visage, hein, et le visage de mon épouse à un kafir, et que lui, il va agréer mon mariage? Donc le maire de la ville de Point-Point-Les-Flots, il a une autorité sur moi. Mais le bout de papier qu'on nous donne en France, il ne vaut rien, shar'iyan. Hein, légalement. Et quand je dis légalement, je parle de la loi d'Allah, évidemment. Donc c'est très important de comprendre que nous, en tant que musulmans, on doit vivre selon la loi d'Allah, mourir selon la loi d'Allah, et que si on ne fait pas un effort tous, chacun, pour déjà, un, comprendre que c'est une hérésie pure et dure, et un kufr bawah, de vivre selon autre, de pratiquer autre, de se soumettre à autre que la loi d'Allah, et ça, vous pouvez le trouver. Aussi les justifications sur le e-book. Donc un, déjà de comprendre ça. Deux, faut comprendre le bénéfice de la charia, d'accord, et comprendre pourquoi on en a besoin. Trois, faut qu'on fasse des efforts sur le sentier d'Allah pour réimplémenter la charia dans nos vies, d'accord. Que ce soit par X ou Y ou tel moyen, maintenant il faut que on essaie de prendre justement de la graine, comme dit l'expression, des choses qui ont déjà été faites. Et des gens qui malheureusement maintenant ne peuvent plus parler parce qu'ils sont emprisonnés, d'accord, qu'Allah les libère, ou bien qui sont morts, rahimahumullah, et qu'Allah leur accorde le shahid, et qu'on essaye justement d'aller plus loin, d'accord, et de continuer ce chemin, de continuer ce que eux nous ont laissé, eh bien il faut que nous on finisse, d'accord. C'est notre objectif à tous, il faut que ce soit notre objectif, il faut que nous on vive avec ça dans nos cœurs et qu'on se batte jusqu'à notre dernier souffle pour implémenter la charia. Parce que c'est notre devoir, parce que Allah nous a mis ici en tant que calife, c'est très important de le comprendre, d'accord? En tant que calife sur cette terre, donc nous on doit imposer la loi, la gouvernance d'Allah sur cette terre, d'accord? Et élever le drapeau de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Barakallahu fikum. Donc je m'arrête pour aujourd'hui, inshallah rahman rahim. Subhanallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.